Il est revenu des Maritimes où c'est un long périple, avec quand même une belle fiche, les Saguenay de Chicoutimi. C'est notre collaborateur des SAGS, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut! Sébastien, avant de commencer, t'as fait un palmarès des amphithéâtres dans les Maritimes et t'as mis Halifax au premier rang. C'est vraiment une belle amphithéâtre. C'est vraiment. Ben, je pense qu'il y a 10 000 sièges, je pensais. C'est, je pense, 10 500 ou à peu Ouais. près sièges au Scotiabank Center, anciennement le Metro Center d'Halifax, un amphithéâtre en plein centre-ville, relié par des corridors aux hôtels où les équipes logent quand ils se présentent à cet endroit. On y tient beaucoup, beaucoup d'événements. D'ailleurs, le UFC qui retourne au début du mois de février, on voyait beaucoup Ouais. d'affiches placardées en se rendant au Scotiabank Center en fin de semaine à Halifax. Écoute, c'est des installations de première classe pour un club de hockey junior. Les concessions sont grandes, les loges sont grandes, les sièges sont confortables, l'éclairage est adéquat, il y a un superbe tableau indicateur, une bonne organisation de hockey à part de ça. La seule critique que je fais, c'est que l'endroit de descripteur adverse que je suis, là, les radios adverses, est un peu loin du monde. Il faut traverser un peu comme la régie technique pour se rendre au bout complètement de l'aréna. On est à l'opposé de l'autre descripteur. C'est peut-être un peu difficile pour les relations avec les autres journalistes, des entrevues à faire ou quoi que ce soit, mais tu t'organises quand tu le sais, quand tu y vas. Mais on est très haut, on est bien situé, on voit au-dessus de la patinoire. C'est un très bel amphithéâtre aussi. Et puis une très belle ville aussi à visiter. Si tu avais un voyage dans les Maritimes à faire, un passage obligé à la ville d'Halifax. C'est quoi d'à peu près de Chicoutimi, là? C'est 14 heures à peu près? Ah, une douzaine d'heures, je dirais 12-13 heures, ça t'a le Quand tout. t'arrêtes, puis Ouais, avec. exactement. T'sais, mais nous, on l'a fait en deux bouts. On a fait le premier bout pour Rimouski pour le match de mardi dernier. Et puis par la suite, on a fait environ 9 heures de route là, à partir de Rimouski pour se rendre du côté d'Halifax. OK. Deuxième, Tommy Saint-John, c'est un peu les mêmes raisons que Tommy. Écoute, Saint-John, c'est un amphithéâtre qui avait été bâti pour la Ligue américaine de hockey. C'est pas loin de 7 000 sièges. Des installations aussi là, de première qualité, des grands vestiaires, des grandes loges, l'éclairage adéquat pour la télévision, des corridors larges où tu peux passer pour aller dans les concessions et tout ça. Puis il y en a partout des concessions dans cet endroit-là. La ville est un peu moins accueillante, je dirais, que celle d'Halifax. Mais pour du hockey, par contre, là aussi, c'est relié par des corridors. On part de l'hôtel en polo. On se dirige dans les corridors à travers les sous-sols, puis on arrive directement à l'aréna, le Harbour Station, un très bel amphithéâtre, un passage un peu moins obligé pour aller faire du tourisme, la ville de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Ouais, et là, on les analysera pas toutes, mais la pire, c'est Charlton. Écoute, comme je le disais à la blague, mais c'est pas Ouais. vraiment une blague, après 5 ans de description, j'ai toujours pas trouvé la galerie de presse là-bas. On est obligé de faire ça assis, Danny. C'est la seule Merci. place où on nous oblige à être assis parce que si on est debout, on cache le statisticien de la ligue. Ça n'a jamais été corrigé. Pas de galerie de presse. En fait, on est comme dans une loge quand on va au Eastlink Center de Charlottetown. La ville est superbe, là. Si vous avez une belle après-midi ou une journée ou deux à aller passer dans les Maritimes, Charlottetown, on mange bien. Il y a des très beaux endroits où il y a du plaisir à y avoir. C'est une belle ville située au bord de l'eau aussi, comme c'est souvent le cas dans les Maritimes, on s'entend. Mais l'amphithéâtre, par contre, ça n'a jamais été corrigé. Il n'y a pas de galerie de presse, tout simplement pas. Quand une équipe comme Québec, par exemple, où il y a plusieurs journalistes qui sont affectés à la Ah oui. couverture et qui font le trajet, là, partent de Québec puis s'en vont à Charlottetown pour couvrir les remparts, ben il y a des gars qui sont obligés de s'acheter des billets souvent pour aller travailler dans les estrades. Ouais, c'est dingue, monsieur, que c'est. Mais la Ligue de hockey le Major du Québec donne pas des autorisations, donne pas des obligations pour des affaires de même. Écoute, il y a un cahier de charges, il y a des Ouais. normes à rencontrer, sauf qu'on juge que c'est peut-être adéquat quand même de faire son travail. Tu sais, c'est pas si pire que ça. On est juste assis sur une chaise pliante, pis on n'a pas de place pour mettre notre équipement puis mettre nos feuilles. Mais à part de ça, on est quand même capable de décrire nos games de hockey. C'est juste que c'est pas dans des conditions adéquates, comme dans le temps quand à Rouen, ils nous avaient mis derrière le filet en plein centre, puis qu'on avait les Huskies qui venaient dans notre face deux fois. Pas de numéro sur les côtés, pas de numéro dans le dos, puis on essayait de faire comprendre aux gars là-bas, tabarnouche, comment vous voulez qu'on décrive? Bon, on vous a mis une 50 pouces en haut de vous autres. J'avais répondu du tac au tac, j'en ai une 50 pouces chez nous. Avoir su, je me serais pas tapé 9 heures d'autobus, puis je te resterais à la maison, puis je l'aurais fait de mon salon. Mais, tu sais, ici, au Saint-Georges, on a beaucoup amélioré. On a amélioré la connexion Internet, on a amélioré les connexions téléphoniques pour les diffuseurs adverses. Il manque pas de place quand tu viens au Saint-Georges Vézina, la galerie de presse. Puis je pense que ça devrait être comme ça dans tous les amphithéâtres. théâtre. OK. Jermaine Rutsoff, c'est pas mal lui qui a fait... une chose est sûre, il est peut-être sur l'adrénaline. Hein, parce que, tu sais, je compare avec A.J. Greer. A.J. Greer, ça a pris une bonne... il s'est mis vraiment en marche en séries éliminatoires. Est-ce qu'on peut comparer les deux cas? Ben, on peut comparer les deux cas pour l'arrivée en plein milieu de la saison. Ouais. On peut pas comparer les deux cas. Je veux pas rien enlever à A.J. Greer, mais German Rutsov est un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur qu'on a vu passer au St. George Vezina. Je veux pas mettre trop d'attente, là, mais ce que j'ai vu est très rassurant là, dans son cas. Un joueur complet, rapide, physique, caractériel sur la patinoire, capable de donner des coups de bâton quand c'est le temps, répliquer à l'adversaire, donner des très grosses mises en échec. Il a failli arracher une porte au Harbour Station en mettant en échec un joueur des Sea Dogs au banc des Sags. La porte ouverte. C'était une mise en échec des majeurs. Et j'ai rarement vu ça d'un Européen aussi physique puis gagner ses batailles le long des rampes. Et en plus de ça, vous avez vu probablement sur les réseaux sociaux, Dave Hensley a publié une image là, quand il a fait une montée en prolongation du côté d'Halifax à son premier match. Il a contourné le cercle des mises en jeu. Il est parti à contre-courant puis il a failli déjouer le gardien d'un bout à l'autre. Ça prend une vitesse d'accélération et un sens du jeu assez remarquable. Les passes qu'il fait, les réceptions de passes qu'il réussit à faire aussi, c'est un joueur que les partisans des Sags vont apprécier là, d'ici la fin de la saison, ça c'est sûr. C'est un très, très bon joueur de hockey. Tu dis le meilleur joueur depuis au St. George Vezina? Ah ben je vous regarde, je m'avance ouais, peut-être un peu, là, il est tôt pour le dire, mais écoute, avec Nicolas Roy, là, c'est les deux meilleurs joueurs des Saguenay-Chicoutimi, ça c'est sûr. Nick reste encore la pièce maîtresse là, des Saguenay-Chicoutimi. Mais German Rubtsov arrive un peu en... il arrive de nulle part. Là. On l'attendait, on l'espérait. Aussi fort, aussi bon, je ne pense pas. Un but, trois passes à ses trois premiers matchs. Ça a été un peu plus difficile du côté de Saint-Jean, mais il a joué un peu plus physique. Mais Halifax a été excellent. Et à Bathurst aussi, il a réussi à marquer son premier en carrière, plus des passes aussi à travers le match. Là. C'est un gars qui est un joueur complet. Un Pavel Datsyuk qu'en devenir, je pense, German Rubtsov, là, dans le futur avec les Flyers. Et en plus de ça, les partisans des Flyers vont l'adorer, comme je le disais, est capable de frapper sur le long des rampes et est capable de jouer physique aussi. Ça va être un joueur, je pense, qu'on va apprécier dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Penses-tu que c'est fait pour un an ou normalement l'an prochain, il devrait être de retour avec les Saguenayens? Écoute, mon évaluation de ça, s'il est encore là l'année passée, c'est parce qu'il y aura, l'année prochaine, c'est parce qu'il n'aura pas nécessairement eu une bonne fin de saison. S'il a une très bonne fin de saison, comme je le pense, plus les séries éliminatoires, les Flyers vont sûrement forcer très, très fort pour qu'il reste à l'intérieur de la structure, c'est-à-dire aller jouer dans la Ligue américaine, ouais. Mais sûrement pas dans la East Coast League, dans la ECHL. Va privilégier, je pense, un retour dans la LCH. Mais de ce que je vois présentement, peut-être physiquement, avec les grands et les plus gros dans la Ligue américaine, ça va être un peu plus difficile. Mais il y a le coup de patin, il y a le sens du hockey hors pair. S'il est encore là l'année prochaine, ce sera du bonus. Mais en le gardant dans la Ligue nationale au début de la saison, même d'un choix de première ronde, ça permet de pas de contourner les règles, mais il y a comme une zone grise là, dans les histoires de joueurs importés dans la Ligue canadienne de hockey, là, les joueurs à statut européen. Quand tu as un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey, tu as le droit de le garder sur ta liste et d'en repêcher un troisième. Ouais. Donc, on va pouvoir garder Rubtsov sur la liste des Sags et repêcher quand même deux autres rôles. On s'entend, Dzoukinov, c'est la fin de sa carrière, il ne reviendra pas à 20 ans l'année prochaine. Donc, on doit repêcher deux autres rôles, mais on va pouvoir garder les droits de German Rubtsov. Et si jamais les Flyers le retournent dans le junior, ben ça fera comme à Québec, il y a de ça quelques années, quand ils avaient retourné, je pense, Mikhail Grigorenko. Ouais. On pourra avoir trois Européens avec les Sags là, la saison prochaine ou à un moment donné là, dans la saison. Mais Nikita Sherbak, lui, à 19 ans, a joué dans la Ligue américaine. Oui, il a le droit. À partir de 19 ans, il a le droit d'aller jouer dans la Ligue américaine, effectivement. Oui, OK. Ulio Bilia, un record en fin de semaine. Oui, exactement. Devenu le gardien le plus utilisé dans l'histoire des Sags. C'est bien mérité pour un gars qui en a donné pas mal pour les Saguenay-Chicoutimi dans des saisons un peu de reconstruction. Il est arrivé après les Christopher Gibson qui ont eu quand même du succès avec les Sags. Oui, exact. C'était des patins pas très, très faciles à chausser dans son cas. Devient le gardien de but le plus utilisé, revenu comme gardien de 20 ans. C'est un gars qui peut nous donner du gros hockey d'ici la fin de la saison et en séries éliminatoires. On l'a vu l'année passée, était le meilleur gardien à certains moments avant de sa blessure dans la LHJMQ. Ça va revenir là, dans le cas de Julio. Là, c'est une question de synchronisation dans son cas. Pas vu beaucoup de hockey depuis le début de la saison, mais il va être prêt là, pour la grande danse de la fin de la saison puis les séries éliminatoires. Puis quand on regarde ça, l'histoire des Saguenay, tu as quand même eu des bons gardiens. Lui, Jimmy White, quelques-uns. Éric Fichaud, Daniel Berthiaume. Rodrigue. Il y en a eu plein. Billia, c'est peut-être plus comparable à Sylvain Rodrigue. Hein? Exactement. Un gardien un peu plus petit, peut-être, puis ce qui va peut-être causer la perte de plusieurs millions de dollars dans le cas de Julio Billia. On sait qu'il a le talent. Ouais. Maintenant, la mode, c'est des gardiens de but de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5 en montant, là, avec des gros bonhommes qui couvrent à peu près tout le filet. Un peu plus comme Alex Gravel qu'on a affronté du côté d'Halifax là, jeudi dernier. Un gros bonhomme qui couvre bien les angles, qui n'a pas besoin de bouger beaucoup pour bloquer la rondelle. Julio, c'est un gardien de réflexe puis de talent, je dirais. Donc, il faut qu'il plonge, il faut qu'il lève la mitaine, il faut qu'il écartisse ses jambières pour faire les arrêts. C'est peut-être plus difficile dans son cas maintenant dans la Ligue nationale de 2017. Dans son cas, ça va être plus difficile là, de faire le professionnel là, pour Julio Billia, mais il a le talent, ça c'est sûr. Malheureusement, le physique, là, ça ne l'aidera pas pour poursuivre, là, je dirais, dans le hockey professionnel après son stage junior. Cette semaine, à quoi s'attendre cette semaine? Écoute, vendredi, c'est les Cataractes de Shawinigan, Claude Bouchard, Sam Girard, l'équipe la première de la division S dans la LHJMQ. Je pense que les Sags doivent arriver là près vendredi soir du côté de Shawinigan. C'est le dernier match sur la route. C'était une séquence de 6 matchs là, de suite. Okay. Sur la route pour les Saguenayens. Retour à la maison dimanche à 16h, la visite des Olympiques de Gatineau avec un nouvel entraîneur-chef Olympiques. Ça, là, je la comprends pas, là, honnêtement. Il va falloir qu'on me l'explique, là, la décision qui vient, semble-t-il, du propriétaire. Ce serait même pas le DG qui l'aurait annoncé au coach, là, la décision qui viendrait d'en haut. Mario Duhamel, là, qui a été congédié du côté des Olympiques de Gatineau. Donc, avec un nouvel entraîneur-chef ou un entraîneur de transition, les Olympiques vont s'amener au Saint-Georges le dimanche prochain. Puis ce sera le premier match de German Rubtsov devant ses nouveaux fans qui risquent d'être nombreux au guichet. En tout cas, du moins, je l'espère tout au long de la semaine. Hey, tu parles des Olympiques de Gatineau ou des Olympiques de Hull. Là. C'est plus du tout l'équipe qui était dans le temps de... Voyons, comment il s'appelle? Le président qui était... Charles Henry. C'était stabilité. C'était une des grandes organisations de la Ligue de hockey junior du Québec. Puis là, finalement, c'est plus du tout ça, là. Ben, Danny, garde, je vais me garder une petite gêne pour les commentaires parce que je travaille pour une organisation de la GMQ, mais en fin de semaine, c'était les 20e anniversaire de la Coupe Memorial remportée à Gatineau par les Olympiques de Hull dans le temps dans l'aréna Romain-Gatin. Et Charlie Henry n'y était pas. OK. Ouais, ça n'en dit tout long. Mais il était malade. Je sais pas si c'est peut-être des problèmes de santé, là. En tout cas, on l'a vu au Canada-Russie. Ah, il s'est présenté à Chicoutimi par avion. J'imagine que c'était pas très compliqué de se présenter à Gatineau. Ouais. Je sais pas, là, il est peut-être plus malade qu'il l'était à ce moment-là. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des froids à travers l'organisation des Olympiques. Il y a beaucoup de changements dans les dernières années dans les actionnaires. Le projet d'aréna qui stagne, ça met beaucoup de pression sur les gens d'affaires là-bas. C'est pas évident, là, présentement, ce qui se passe du côté de Gatineau. Puis, ben, de congédier un entraîneur qui a un contrat de 2 ans, qui est dans sa première année, il va falloir que tu le payes 1 an et demi à rien faire à la maison dans une équipe qui, justement, doit avoir de la misère à boucler le budget. C'est peut-être pas la décision du siècle, mais à un moment donné, les gars de hockey décident de prendre des décisions de ce côté-là quand ils trouvent que ça lève pas à leur goût. Mais comme je le disais, on me dit de sources bien informées, puis c'est écrit dans les journaux du côté de Gatineau que c'est même pas le DG qui l'a annoncé, c'est le propriétaire, là, Alain Cyr, qui l'a annoncé directement à l'entraîneur dimanche, là, qui perdait son poste là, avec les Olympiques de Gatineau. C'est quand même surprenant ce qui est arrivé du côté. Effectivement. Ouais. Bon, ben, on s'en parle lundi prochain. Avec plaisir, mon ami. C'est la chronique des Seigneurs avec Sébastien Morin.